Panem et Circenses, disait le grand César dans la faste Rome antique. Aujourd'hui encore, cette maxime résonne dans notre époque. Il est vrai qu'il n'y a rien de plus doux dans ce bas monde que de se poser tranquillement, prenant soin de savourer chaque instant volé à ce tourbillon de vie qui nous entoure, avec ses publicités, ses millionnaires crapuleux, son gaspillage, ses inégalités, ses stars, ses magouilles politiciennes, ses télévisions abrutissantes, ses pertes de valeur aussi simples que l'amour, la fraternité ou l'égalité, profit de la haine, la jalousie ou le racisme. Il est crucial, que dis-je, vital, de profiter de ces moments qui nous éloignent du capitalisme le plus sauvage, de l'invasion de la pensée unique, de la loi de l'argent maître, et de se poser tranquillement devant un bon match de foot en dégustant un Big Mac. Alors, qu'importe que les supporters aient brillé par leur abrutissement, qu'on ait fait 15 jours de publicité pour un match qui s'est révélé nul et qu'on n'ait pas salué la performance du plus petit budget de la Ligue 1 deux jours plus tard, car la finalité, c'est avant tout le bonheur du peuple qui passe, comme le préconisait César, par le pain et les jeux.